Quoi qu'on fasse, quand on fait les choses pour de bonnes raisons, on n'a aucun regret à avoir. Et il n'y a pas de meilleure raison que la famille. Ton sourire le fait rêver.